Aufnahme. Si je peux te conseiller, petit frère, nique tout. S'il te manque de respect, te demande pas il vient d'où. Allume-le sur le coup, reprends ta vie normale. Ça lui apprendra de vouloir tester tes couilles. Ok, maintenant que tout le monde m'écoute, je vais te dire réellement ce que je pense de la rue. Entre nous on s'allume, on se jalouse à mort. Et quand y'a des sous, on s'empêche sous la lune. Si t'as un peu de chance, l'ami t'aura un pote. Ça sera ton complice, vous braquerez des boutiques. Rigolo dans les comptes, mais quand t'as le dos tourné. Toi tu sais pas, mais nique ta gadji. Y'a peu de vrais potos, beaucoup de faux. Qui tue cela vite quand t'as beaucoup de fonds. Tu crois qu'il t'aime bien, mais tu sais pas ce qu'il vaut. Y'aura plus personne quand tu toucheras le fond. Mais toi tu sais pas, car tes potes c'est ta vie. Tu fais le tour de la ville. Avec eux dans la caisse, ça s'enfume toute la nuit, ça parle pas de la Bible. On va te proposer de monter sur un coup. Influençable, tu vas pas refuser. Pour 400 euros de budget, tu vas te charger à fond et rentrer capuché. Les gars, j'suis paré. En cas, j'suis armé. Là-bas, dans le bloc, j'suis cramé. Pense qu'à fermer là. Braquage au braquage, allongé vous par terre. Guichet au guichet. J'avance, j'avance, kilo à détailler. Braquage, braquage, allongé vous passe. Jugé coupable, referme ta serrure. C'est la première fois que tu vois la cellule. C'est plus ta chambre, là, c'est pas ta télé. Et en plus t'es un lit qui te casse le fémur. Mais bon ça c'est rien, le pire t'attend. Tu penses que tes potes vont t'assumer dedans. En attendant, tu demandes un pétard pour décompresser mais on te dira non. Avec le temps tu te feras des amis. Ouais. Tu feras des potes, pas de nouvelles de ceux qui sont dehors. Dedans tu fais peine, ils t'enverront des potes. Maintenant je vais te dire qui viendra te parler. Qui viendra au parlu. Ta mère, ta soeur, ton frère, ta femme, tous tes amis ont disparu. Mais tu t'emballes parce que maman assure. Elle envoie les mandats, les chaussures. Pour toi elle sentait la sueur. PD, toi tu la tues à l'usure. Tu fais le garage pour pouvoir l'appeler. Pour t'engueuler, elle a même plus de force. Tu l'as fait cracher, ça personne ne sait. Et en promenade, ça m'a tu pompe le torse. PD. Hey. On vous connaît hein. Petit trou du cul là qui font les voyous dans les coursives, au parloir. Eh, on sait que c'est vos darons qui vous assument. Trou du cul. Bref, force à ceux qui se démerdent. Ceux qui sont dedans, qui mangent la gamelle mais qui disent pas leur daron, fais-moi rentrer du produit mon frère. Ok. Goff, goff. Braquage au braquage, allongez-vous par terre. Guichet au guichet. Faire des